Bonjour à tous. Pour ce dernier après-midi des Doctorales Sartre, je voudrais d'abord remercier Carpagès et Marion Choum de m'avoir donné l'opportunité d'être président, puisque j'en rêve depuis ma plus tendre enfance, l'enfance d'un chef, bien sûr. Bon. Et je laisse tout de suite la parole à notre premier intervenant, Yvon Inizan, qui intervient sur Jean-Paul Sartre, la littérature et l'échec poétique. Et vous avez 35 minutes, montre en main. Merci. Merci. Donc, merci évidemment Claire et Marion pour l'invitation. Il s'agit donc d'interroger le rapport de la philosophie à la littérature dans l'œuvre de Sartre, mais selon un angle singulier qui questionne la question de la place en apparence marginale de la poésie dans la pensée du philosophe. Alors cette question est abordée en particulier dans les premières pages de « Qu'est-ce que la littérature ?», où sont distingués les poètes et les prosateurs. Et Sartre écrit ceci: « Il va de soi que dans toute poésie, une certaine forme de prose, c'est-à-dire de réussite, est présente, et réciproquement la prose la plus sèche renforme toujours un peu de poésie, c'est-à-dire une certaine forme d'échec. » C'est cette forme d'échec que je souhaite interroger, enfin, succinctement bien sûr. En quoi peut-on dire de la poésie qu'elle échoue? Et je souhaite questionner la distinction sartrienne entre poésie pure et pure prose. Et dans ce cadre, j'interrogerai en particulier le livre consacré à Baudelaire, dans lequel est décrite cette aventure poétique de Baudelaire, qui fut, selon Sartre, une impossible quadrature du cercle. Mais je chercherai aussi à comprendre ce qui apparaît aux yeux d'un poète cette fois, et je songe ici à Yves Bonnefoy, j'expliquerai pour quelle raison, comme l'échec de Jean-Paul Sartre dans son effort pour ressaisir l'acte poétique. Que révèle de la pensée de Sartre cette place faite à la poésie ? Que révèle cette incapacité sartrienne, du moins si je suis sur ce point une bonne fois, à bien penser la nature de la poésie? Et je voudrais donc ici développer une interrogation, selon une orientation qui dessine une perspective méthodologique. Que nous apprend d'une philosophie la place que celle-ci réserve à l'acte poétique, c'est-à-dire à un certain mode de l'écriture distingué de l'approche conceptuelle? Ne dira-t-on pas que les pensées de l'existence d'après-guerre, et je pense ici à une autre pensée de l'existence, c'est celle de, on y a fait allusion ce matin, celle de Ricoeur, que révèlent donc des pensées de l'existence la place que ces pensées font à l'acte poétique? Alors je noterai sans grande peine une double position de ça à propos de la poésie. D'une part, une forme de reconnaissance, voire même une forme de fascination pour l'écriture poétique, et on trouve en particulier dans les carnets de la Drôle de Guerre cette remarque: j'enrage de ne pas être poète, d'être si lourdement rivé à la prose, comme si de manière ultime la liberté se disait plus authentiquement, pour reprendre un mot heideggerien, dans l'écriture poétique. Sartre aurait d'ailleurs écrit lui-même des poèmes dans sa jeunesse, mais on trouvera aussi exactement l'inverse, c'est-à-dire une forme de rejet très explicite. Et c'est ainsi que, recevant en février 40 un recueil d'un jeune poète à l'époque, Alain Borne, le philosophe écrit dans les carnets à propos de ses poèmes: je les ai lus et je dois reconnaître que je n'y connais rien. Mais alors, il va pourtant tenter, après cette lecture, d'écrire un poème. Mais il le fait, dit-il, par mortification. Et c'est pour ajouter quelques lignes plus tard, un commentaire très négatif sur sa propre tentative. Il y a un poème de Sartre, éventuellement, je le tiens à votre disposition. C'est pas une grande réussite, mais enfin... Et alors, il écrit ceci: « Je relis mon poème de tout à l'heure, et je suis plein de honte. Non seulement parce qu'il est mauvais... mais parce que c'est un poème, c'est-à-dire pour moi une obscénité. » Voilà qui semble préfigurer évidemment une vision très négative, développée dans le Baudelaire de 47. Ce livre qui trace l'image, on s'en souvient, d'un homme qui choisit de se sentir coupable et qui ne cesse de s'accuser dans le mouvement incessant de son narcissisme. Un poète donc qui a une violente horreur de lui-même. Y verra-t-on peut-être le double de Sartre, son semblable, son frère, dans ce rapport à l'obscène poétique ? Exposition inutile pour Sartre d'une singularité, et dans un autre texte, La responsabilité de l'écrivain, Sartre dit la chose suivante: il y a une fin à atteindre qui est la libération totale de l'homme, et cette libération ne se fera pas en faisant des poèmes, ou par, et c'est encore pire je crois, ou par une embrassade générale des gens, virgule, un beau jour. Donc je ferai ici un exposé en trois temps. Le premier moment, c'est de voir un peu comment se manifeste cette opposition entre la prose et la poésie, c'est-à-dire pour Sartre l'endroit et l'envers du langage. Dans un deuxième moment, après avoir caractérisé, si cela est possible, l'échec poétique, je reprendrai l'illustration qui est l'illustration donc du cas Baudelaire. Et dans un troisième temps, je poserai la question d'un engagement poétique. Est-ce qu'il peut y avoir un engagement poétique ? Je poserai la question, mais c'est évidemment simplement une question. Je me demande dans cette dernière partie si finalement l'échec du poétique n'est pas en réalité l'échec de Sartre à penser le poétique. Au fond, la pensée, la représentation de la conscience chez Sartre ne convient pas lorsque l'on tente de chercher à comprendre l'acte poétique. Donc, premier temps, prose et poésie, c'est-à-dire l'endroit et l'envers du langage. Dans « Qu'est-ce que la littérature ?», Sartre tente l'explicitation d'un acte. Il s'agit donc d'éclairer le choix d'écrire, ce choix de faire par écrit, de faire par un écrit, et de montrer que précisément, au nom de ce choix initial, il y a lieu de réclamer l'engagement de l'écrivain. L'homme, dit-il, réalité dévoilante est ce par quoi les choses se manifestent, mais tel que par ailleurs la conscience serait saisie comme n'étant pas l'origine absolue, à certains égards même elle est inessentielle au vu de la chose dévoilée, et cette dialectique de l'essentiel et de l'inessentiel, à certains égards de l'être et le néant, est manifestée autrement dans la littérature, cela dans le cadre d'une relation intersubjective où s'articulent des libertés. L'objet littéraire, s'il trouve son origine dans l'acte d'écrire, ne se révèle que dans un acte réciproque, c'est fortement marqué dans « Qu'est-ce que la littérature ?», celui de la lecture, car la première lecture, celle que l'écrivain produit de son propre texte, est toujours immanente. L'auteur n'y rencontre jamais que son projet, n'y découvre que sa subjectivité. Jamais, écrit Sartre, Proust n'a découvert l'homosexualité de Charlus, puisqu'il l'avait décidé avant même d'entreprendre son livre. Cela signifie donc que l'acte d'écrire implique son corrélat dialectique, l'acte de lire, une relation où se conjugue l'effort de l'auteur et celui du lecteur pour faire surgir le livre. Il faut que le lecteur invente tout, écrit Sartre, dans un perpétuel dépassement de la chose écrite. Il faut que le lecteur invente tout dans un perpétuel dépassement de la chose écrite. Sans doute l'auteur le guide, mais il ne fait que le guider. La lecture est création dirigée. L'écriture ne trouve son achèvement que dans la lecture, et c'est à travers un autre don que se réalise le projet de l'écrivain, en sorte que l'ouvrage littéraire peut être pensé comme un appel, une demande adressée à la liberté d'un lecteur, à la fin qu'il parachève une œuvre. Le livre requiert une liberté, mais si l'écrivain offre une tâche à remplir, inversement, la lecture révèle la responsabilité de l'écrivain. Lire, c'est également exiger de l'auteur qu'il me reconduise vers ma propre liberté. L'acte créateur vise à une reprise de la totalité du monde, tandis que dans l'expérience perceptive, le monde est horizon d'une situation, totalité synthétique du donné. Dans le livre, le monde est une tâche. La conscience de l'auteur, en dévoilant le monde, se révèle essentielle en tant qu'elle constitue la totalité de l'être, mais l'œuvre littéraire oblige le lecteur à créer ce que l'auteur dévoile. Auteur et lecteur portent donc l'un et l'autre la responsabilité de l'univers ainsi manifesté. L'œuvre est, par essence, acte de conscience dans la liberté des hommes. Elle est, écrit Sartre, présentation imaginaire du monde en tant qu'il exige la liberté humaine. L'écrivain n'a donc qu'un seul sujet, en définitive, la liberté. Écrire, c'est une certaine façon de vouloir la liberté, et sur le plan politique, bien sûr, prose et poésie sont essentiellement liées. Impossible de menacer l'une sans menacer l'autre. Et l'écriture de prose est par conséquent, c'est tout à fait clair pour Sartre, nécessairement engagée. Comment alors comprendre l'acte poétique dans ce rapport à l'engagement ? Dans la première partie du texte de 47, Sartre produit une distinction fameuse entre l'écrivain et le poète. On y a fait référence ce matin. L'écrivain a affaire à de la signification. Le poète produit quant à lui un acte comparable à celui du peintre, du sculpteur, du musicien. Les poètes sont des hommes, dit Sartre, qui refusent d'utiliser le langage. Tandis que l'écrivain comprend le langage comme instrument que l'on peut orienter vers la recherche de la vérité, le poète voit les mots comme des choses, non comme des signes. Il ne tente pas de discerner le vrai, ni de communiquer une vérité, celle-ci supposerait une conception précisément instrumentale du mot. Le poète n'utilise pas les mots. La formule est étrange, mais elle montre que il a perdu donc la vocation du mot comme signe. Il les organise, les mots, donc le poète, comme le peintre, dispose des couleurs, et le musicien, les sons. Il ne considère pas les mots comme des outils qui reconduisent vers le monde. Il n'a pas cette vision prosaïque du langage. La prose, donc, est transitive, et l'écrivain, quant à elle, la prose est transitive, et l'écrivain vit le langage comme une extension du corps. C'est tout à fait net dans Qu'est-ce que la littérature ? Les mots sont comme les prolongements des sens, ses pinces, ses antennes, dit encore Sartre, ses lunettes. Et il a cette expression, n'est-ce pas, une sorte de corps verbal. Le poète, quant à lui, évidemment, ne saisit pas le langage comme ce geste du corps qui oriente. Il faudrait plutôt dire qu'il est lui-même extérieur au langage, il est hors langage, il adopte une position d'étrangeté, il voit les mots à l'envers, d'un autre point de vue, comme s'ils n'appartenaient pas à la condition humaine. Il abandonne le corps verbal et en vient à considérer les mots comme des choses parmi les choses. Le poète découvre en eux, écrit Sartre, une petite luminosité propre et des affinités particulières avec la terre, le ciel et l'eau, et toutes les choses créées. Donc de ce point de vue poétique, le poète fait du mot une image verbale, une image, qui vaut alors pour sa ressemblance avec les autres objets, et c'est tout le langage qui devient en puissance le miroir du monde. Tout comme la couleur ou le son, le mot va représenter une signification, et non pas l'exprimer, il aura une physionomie, un visage. Et les différentes acceptions d'un terme se mélangent pour constituer les différentes facettes de ce qu'on pourrait appeler alors l'objet-mot. Le poète assemble ces mots-objets, non selon l'ordre d'un schème verbal, mais afin de composer un texte-objet, une chose, une image comparable, encore une fois, à un tableau. Et Sartre illustre son analyse par un commentaire de deux vers fameux de Mallarmé, le second et le dernier du poème Brise marine, donc fuir là-bas, fuir, je sens que des oiseaux sont ivres, mais ô mon cœur entend le chant des matelots. Comment comprendre le mot mais ? Eh bien, Sartre répond, le mot mais ne relie pas le dernier vers à ceux qui le précèdent, selon les règles d'une opération intellectuelle à produire. Il colore l'ensemble du texte, il lui offre une sorte de teinte qui impressionne l'ensemble du poème. Il existe donc une tonalité de la phrase, on peut même parler, dit-il, d'un goût qui se diffuse dans le texte, le goût, la matière d'une objection, d'une réserve, d'une disjonction. Et de la même manière, dans les vers de Rimbaud, « Aux saisons, au château, quelle âme est sans défaut », la nuance interrogative ou restrictive est à prendre non selon l'ordre synthétique des modalités d'une prédication, mais comme une teinte qui colore la totalité de cette image, quelque chose de comparable, donc encore une fois, la couleur qui définirait l'ambiance d'un tableau. L'interrogation n'est pas la forme, n'est pas ici la forme grammaticale de la question, mais la caractéristique d'une chose, une nuance à la surface du poème par où se dit une humeur, quelque chose de très comparable donc à l'angoisse du Tintoret, on en parlait ce matin, devenu ciel jaune. Dès lors, la poésie place le lecteur à l'extérieur du langage, de l'autre côté de la condition humaine, du côté de Dieu, dit Sartre. Comment pourrait-on, dans ces conditions, produire un refus, une révolte, en envisageant donc de cette façon le langage à l'envers ? Et on comprend qu'il ne peut y avoir véritablement d'engagement poétique comme il ne peut il peut y avoir un engagement du peintre, du musicien. Bien sûr, il n'y a pas de qualité sensible qui ne soit dépouillée de signification, mais cette signification est alors immanente, elle demeure inscrite à même la chose, comme une brume de chaleur. Le peintre n'a pas affaire à des signes, mais à des choses, à des substances. Le tableau n'exprime pas un sentiment, il en est imprégné. Un chant de douleur ne signifie pas la douleur, il est chant douloureux, sous le mode de l'être. C'est une douleur qui n'existe plus, une douleur qui n'existe plus, dit Sartre. C'est une douleur qui est. L'émotion, donc, dans le tableau, tout comme dans le poème, donc devient chose. L'écrivain a une affaire donc aux significations. Le prosateur expose des sentiments, les précise, la prose est utilitaire, l'écrivain se sert des mots, il désigne, démontre, ordonne, refuse, interpelle, supplie, insulte, persuade, insinue. Explique Sartre, le mot est un geste qui indique au-delà, qui désigne, car nous sommes dans le langage comme nous sommes dans notre corps, et le langage du prosateur est nécessairement intéressé. La parole elle-même est déjà une action qui transforme ce dont elle se saisit. Parler, c'est dévoiler une situation et par conséquent la changer. Chaque mot m'inscrit davantage dans l'épaisseur du monde, trace un geste qui en modifie la patte. Le prosateur choisit l'action par le dévoilement, il offre de révéler le monde pour que chacun y puisse prendre sa responsabilité. Et si le style importe, évidemment, il doit, ce style malgré tout, dit Sartre, demeurer transparent. La beauté d'un style ne s'affiche pas. Le plaisir esthétique est donné en plus. Il faut se défier de ce que Sartre appelle alors la contamination poétique. Alors que signifie du coup l'échec de la poésie ? Si l'acte humain est moyen en vue d'un résultat, la poésie produit une inversion. L'acte devient sa propre fin, ou plutôt l'échec poétique interrompt la chaîne des fins et de cette manière sans doute restitue l'homme à lui-même comme fin en soi. L'échec est alors doublement contestation et pourtant appropriation du monde. Contestation parce que l'homme vaut mieux que ce qu'il écrase et pourtant appropriation car l'échec reconduit vers le monde et vers les objets. Ainsi donc s'opère un retournement qui paraît faire de l'échec un salut. Et Sartre dit ceci, la poésie c'est qui perd gagne. La vocation du poète est de perdre pour gagner. Il est l'homme qui s'engage à perdre. C'est le sens profond, je le cite, c'est le sens profond de ce guignon, de cette malédiction dont il se réclame toujours et qu'il attribue toujours à une intervention de l'extérieur alors que c'est son choix le plus profond, non pas la conséquence mais la source de sa poésie, hein, cet engagement à perdre. Et il est ici évidemment le texte sur la littérature, et une question de Baudelaire. Qui fera l'objet de mon deuxième point, donc, et qui vient illustrer en quelque sorte ce qui a été dit dans ce texte de 47. Baudelaire, donc, que Sartre nomme l'homme penché. Alors il s'agit dans ce texte de décrire de l'intérieur l'expérience de Baudelaire, son être au monde, le choix du poète par lui-même dans une situation. Et on trouve dans ce texte des considérations générales sur la conscience conçue comme liberté et des analyses qui décrivent cette fois la conscience du poète inscrite dans son histoire. L'attitude originelle de Baudelaire sera celle de l'homme penché sur soi comme Narcisse. L'homme qui se regarde vivre et qui, dans cet examen, ne cesse de se perdre. On a le sentiment que la figure de Baudelaire est en réalité une sorte de représentation de ce qui peut être dit, de manière beaucoup plus générale, par ailleurs, de la conscience. Il est sans immédiateté, il est l'homme qui a choisi de se voir comme s'il était un autre, il est tout à la fois victime et bourreau. Poète de la vie moderne, il découvre la conscience comme néant, il fait cette découverte pour laquelle, une conscience comme néant pour laquelle l'orgueil, la lucidité et l'ennui ne font qu'un, cette conscience incréée et injustifiable, sans rime ni raison. Pour qui réfléchit, toute entreprise est absurde, commente Sartre. Baudelaire a baigné dans cette absurdité, de sorte que son action mêle l'échec et le recommencement sur le fond d'une morne indifférence. Il éprouve le mouvement de la conscience moderne, l'intuition de la transcendance et de la gratuité. Ainsi, en décrivant l'attitude du poète, Sartre ne fait pas autre chose que de retrouver les caractères qui définissent pour lui la conscience, savoir un néant, un dehors, un faire. Baudelaire découvre cette contingence et ce délaissement, mais il émerge aussi, il apparaît aussi comme celui qui tente de la dissimuler. Il est l'homme qui, éprouvant le plus profondément sa condition d'homme, a le plus passionnément cherché à cela masquer. Bien qu'homme de création, il reçoit en réalité d'autrui les valeurs morales et se tord dans le remords et la culpabilité. Ainsi, il est tout à fait significatif que jamais il ne cherchera vraiment à défendre le contenu des fleurs du mal. Il opte pour le mensonge en présentant l'ouvrage comme simple divertissement, une œuvre édifiante qui viserait à écarter l'homme du vice. Et s'il se défend devant ses juges, Baudelaire pourtant le fait au nom des valeurs qui le condamnent. Il n'invente aucune nouvelle valeur et fuit la liberté créatrice qui lui fait peur. C'est au sein du monde établi que Baudelaire affirme sa singularité. Autrement dit, Baudelaire réclame des juges, le regard de sa mère, celui de son beau-père, le jugement des magistrats de Napoléon III, celui des membres de l'Académie française. Et double position donc de Baudelaire vis-à-vis de la subjectivité. D'une part, il souhaite disposer librement de sa singularité, il veut s'être fait ce qu'il est, mais d'autre part, il demande aux autres de le constituer par leur jugement. Autrement dit, Baudelaire a eu peur de sa liberté, il a voulu fuir la solitude et la responsabilité totale, il veut se créer lui-même sans doute, mais tel que les autres le voient. De la liberté, il en fait une chose, par exemple, disciple de Joseph de Maistre et de sa théocratie, il s'inscrit dans ce conformisme restaurateur. Il méprise l'utile et la production, mais sa création n'en devient pas pour autant absolue. Il veut créer, mais sans prendre en considération la responsabilité. Il ne choisit pas une valeur nouvelle, il choisit d'abord des juges, il ne choisit pas une fin, bien qu'elle soit condamnée, il la choisit parce qu'elle est condamnée. En refusant un ordre établi, il ne fait jamais qu'affirmer cet ordre. On le voit donc, le poète par orgueil a tenté de se faire chose aux yeux des autres, écrit Sartre, cherchant la solitude qui maintient à distance du jeu social. Il a voulu être, mais cet être résulte d'un choix originaire, celui d'une existence. Il balance sans cesse entre ces deux pôles, posant l'un, c'est pour rejoindre l'autre. S'il devient objet sous le regard des juges, il pose sa liberté. S'il découvre sa liberté, il se raccroche à un monde déjà là, dont il accepte les catégories. De là son insistance à décrire sur un mode dualiste tout à la fois l'extase de la vie et l'horreur de la vie. Il a voulu tout à la fois être et exister. Ce choix originel, balancement perpétuel entre l'être et l'existence, se manifeste dans des traits de caractère concret. Une même ambivalence apparaît dans l'aversion pour la nature, dans le culte de la frigidité, dans le dandysme fameux du poète. Et ce choix originel, ce balancement, et je suis obligé d'abréger, apparaît également dans sa lecture des objets qu'il va identifier et rendre présent dans sa poésie et qui sont pensés sous le mode, explique Sartre, à la fois de la présence et en même temps de l'absence, d'où par exemple le recours extrêmement fort au parfum chez Baudelaire dans sa poésie. Donc l'échec poétique est fortement manifesté dans les dernières pages de l'essai où se trouve récapitulée cette tension vaine, ce climat intérieur qui marque la vie et l'épreuve du poète et l'œuvre du poète, pardon. La poésie tente de réaliser l'union objective de l'être et de l'existence, mais cette synthèse est hors de prise. Baudelaire l'effleure et se persuade que cet effleurement furtif est la véritable appropriation. Il ne jouit pas d'un objet qu'il obtiendrait, mais de cette exaspération insatisfaite, de cette reconduction incessante d'un désir vain. Le suicide serait l'acte ultime par lequel le poète pourrait se constituer en essence, mais pour jouir vraiment de ce résultat, il faudrait survivre à son propre suicide. Le poète s'affirme alors dans la création poétique, qui devient l'équivalent chez lui d'un suicide. D'où on le voit, et ce sera l'objet de ma troisième partie, il me semble une radicalité de cet examen, presque une critique, une présentation sévère hein, de l'œuvre et de la vie de Baudelaire. Comment entendre cet échec? Ne pourra-t-on, et c'est une hypothèse que je voudrais tenter, opposer à cette thèse, au fond, l'idée que cet échec apparent ne fait jamais que révéler l'incapacité d'une pensée sartrienne à bien concevoir la poésie? Il faudrait alors s'interroger sur les raisons de cette incapacité. Et ici, j'ai recours à un poète, Yves Bonnefoy, poète important qui a une œuvre poétique majeure, mais qui plus est réfléchit fortement à l'acte poétique, à l'écriture poétique, et produit des textes tout à fait fondamentaux. Et je recours à ce poète pour une raison aussi, c'est qu'en réalité, Sartre va faire référence, dans Qu'est-ce que la littérature, à Yves Bonnefoy, dans le cadre de sa critique du surréalisme. Et il constate en effet que finalement, Bonnefoy produit lui-même déjà une critique très comparable à celle qu'il énonce lui-même lorsqu'il explique que le surréalisme ne libère ni le désir, ni n'offre les conditions d'une liberté effective, et qu'il ne libère que l'imaginaire pur. Donc Sartre cite à ce moment-là Yves Bonnefoy, et une remarque d'un texte qui s'intitule « Donner à vivre », qui est paru en effet lors de l'exposition surréaliste de 1947. Et cette citation est la suivante. Jean-Paul Sartre, je n'ai pas repris la citation. Sartre cite Yves Bonnefoy. Et donc, en expliquant que sa critique est à peu près parallèle à celle qu'il peut lui-même produire du surréalisme. Et de fait, il y a une concordance entre les deux points de vue. Simplement, Yves Bonnefoy produit une critique très très forte plus tard, dans un texte de 1952, de l'interprétation que Sartre fait du Baudelaire. Jean-Paul Sartre, écrit Yves Bonnefoy, a montré que Baudelaire avait très tôt dans son existence fait un choix jamais démenti, mais il s'est mépris sur l'objet et la raison d'être de ce choix. Donc, Sartre, s'il faut aller très vite, Sartre ne comprend pas véritablement l'acte poétique de Baudelaire. Alors, je crois, il me semble que cet échec poétique révèle en réalité bien davantage l'échec de la conception de la conscience, telle qu'elle paraît à la fin de L'être et le néant. On y découvre la présentation du pour-soi comme néant, de sorte que la conscience est alors sans cesse entraînée dans le tournis de l'être et de l'existence. Elle est, vous vous en souvenez, ce qu'elle n'est pas et n'est pas ce qu'elle est, mais ce mouvement infini qu'on retrouve en réalité dans le Baudelaire, cette transition incessante, ne révèle peut-être que la limite d'une conception de la négativité qui a abandonné la médiation. Et c'est toute la question qui sera posée par Paul Ricoeur dans un article de 1956, Négativité et affirmation originaire. Et s'il faut reconnaître un pouvoir de négation de la conscience, dit Ricoeur, doit-on passer de l'acte de négation à l'hypostase de la conscience comme néant ? Selon Ricoeur, il existe des raisons qui conduisent Sartre à hypostasier les actes néantisants dans un néant actuel. C'est que son point de départ est une idée trop pauvre de l'être. Celui-ci est réduit au statut de chose ou de données brutes. Or, cette opposition abstraite d'un pour-soi néantisant et d'un en-soi réifié ne peut saisir la dialectique profonde d'un mouvement d'existence. Et Ricoeur a cette formule, toutes les expressions sartriennes, arrachement, décollement, désengluement, recul néantisant, témoignent avec génie de cette philosophie de la transition. Mais la néantisation représente la moitié d'ombre d'un acte total dont la face de lumière n'a pas été dévoilée. Donc la pensée de Ricoeur offre de sortir d'une opposition trop duelle entre l'être et le néant. Elle tente de penser une négativité, non pas un néant, mais une négativité sur le fond d'une affirmation plus originaire, elle-même limitée d'ailleurs par la première négation de la finitude. Elle cherche à reconquérir un sens affirmatif de l'être. Affirmation originaire empruntée d'ailleurs à Jean Nabert, mais je passe. L'être est d'abord un acte avant d'être une essence, il est un effort, un désir avant d'être une représentation. Voilà le sens, me semble-t-il, de la critique de Ricoeur. La liberté ricoeurienne est négation sur un fond plus originaire, une affirmation où se joue le dialogue d'une initiative et d'une réceptivité. Dans ces conditions, ne dira-t-on pas que l'échec de Baudelaire, l'échec du poète ne révèle en réalité que l'échec d'une pensée enfermée dans cette opposition abstraite, d'un côté la liberté néant, de l'autre l'être pétrifié dans les sens, et c'est là-dedans en effet que Sartre enferme en réalité son Baudelaire, mais ce n'est pas une opposition qui naît de Baudelaire, ce n'est jamais qu'une opposition qui vient de la représentation qu'il peut avoir, lui, de la conscience et de cette activité poétique. Voilà bien également, me semble-t-il, donc le sens du reproche qui, une bonne fois, je produis là un lien qui n'est pas motivé ici, je peux pas le temps de le faire, mais je crois que c'est exactement le sens du reproche qu'il voit une fois formule à l'encontre de l'analyse de Sartre. La liberté réelle ne peut se penser qu'au-delà des formules, elle ne peut pas être décrite, elle est en acte. Doit-on donc comprendre la parole poétique, ce sera ma conclusion, comme l'acte d'une conscience qui se pose et qui, dans un mouvement, cherche à fuir cette position, ainsi que le ferait, selon Sartre, le poète et singulièrement Baudelaire. Sartre pose la transcendance non comme simple néantisation mais comme néant, un être qui est dans son être, pardon, un être qui reprend une formule d'Heidegger mais en la transformant, donc un être qui dans son en être, pardon, en qui dans son être il est question du néant de son être. Mais si l'on refuse avec Ricoeur de passer de l'acte de la néantisation à la conscience comme néant, si l'on cherche à comprendre l'acte néantisant selon le rapport qu'il entretient avec une première affirmation originaire, dont la finitude d'ailleurs est une première forme de la négativité, alors la poésie n'est plus l'acte pur qui pose une conscience sur le mode de l'échec, mais bien davantage celui par lequel elle éprouve la finitude, elle est un acte par lequel elle s'ouvre indéfiniment à une expérience. Et l'opposition prose et poésie chez Sartre fait apparaître la position donc de Baudelaire comme une conduite d'échec. Le poète abandonne un certain rapport utilitaire au langage, ce rapport par lequel il s'agit prosaïquement de signifier une ouverture au-delà. En prenant les mots comme des choses, le poète semble tomber irrémédiablement dans l'être, tout en revendiquant pourtant sa liberté. Le corps verbal, je reprends l'expression de Sartre, est alors pensé uniquement selon les modalités de l'engagement et de la praxis littéraire. Que serait ce corps verbal dont parle Sartre dans le cadre d'une liberté réinscrite dans un rapport dialectique à la réceptivité, ce que Ricoeur va nommer l'involontaire, donc dans un rapport dialectique à la réceptivité, comme c'est le cas chez Ricoeur, vraisemblablement ce que Ricoeur d'ailleurs nomme une poétique de la volonté. On pourra montrer que chez Yves Bonnefoy, il s'agit bien en poésie aussi de s'engager et de renouer avec son incarnation pour échapper à la mauvaise foi. L'écriture poétique devient, dans ces conditions-là, projet éthique d'une vérité de parole. On ne dira pas de l'écriture poétique qu'elle échoue, mais bien plutôt qu'elle est l'épreuve par excellence de la finitude. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir tenu votre temps d'abord, et surtout de la richesse et la qualité de cet exposé. La parole est à l'audience. Claire Pagès. Merci beaucoup pour l'exposé. J'ai une question qui est peut-être un petit peu extérieure, mais qui vient d'un étonnement, parce que je ne connaissais pas du tout cette chose qui vient de la poésie. Et elle est très étonnante. Enfin, quand on entend ça, on a l'impression qu'il a lu plus d'une Mallarmé. Alors, c'est quand même le plus grand contemporain de la plus grande poésie politique, et il a préfacé du Césaire, les recueils d'Aragon pendant la guerre, et surtout Neruda, et on ne voit pas tellement comment ce contemporain de ces plus grands poètes... Pourquoi est-ce que tout ça apparaît dans sa conception de la poésie ? Oui, alors... Moi, je me suis contenté de prendre un texte de 47, mais il est vrai que sa conception va évoluer, enfin... Et... Ouais, mais je suis pas sûr qu'il fasse vraiment droit à autre chose que ce que vous avez présenté. Je crois que ça peut, enfin, son analyse, il n'y a pas une pensée systématique de la poésie, enfin, quand on cherche à... Mais c'est souvent le cas, je crois, enfin, chez Sartre. On est chaque fois inscrit dans un mouvement d'analyse très singulier, très particulier. On a du mal à prendre des concepts qui pourraient être, en tout cas en ce qui concerne l'analyse de la littérature, qui pourraient être reconduits dans d'autres textes. Mais il me semble, enfin, moi je force le trait, je crois. Enfin, je prends vraiment ce point où la conception de Sartre est assez, enfin, est même très négative par rapport à la poésie. Et donc, en tout cas, c'est ce que. L'apogée de cette poésie-là, poétique-là, on n'en trouve pas de trace. Oui, mais enfin, il va produire un texte sur Orphée Noir, sur la poésie donc d'Aimé Césaire. Par conséquent, il y a ensuite toute une conception de la poésie comme. On va dire, je me suis cantonné, moi, à cette conception négative. Mais il est vrai que la préface qu'il peut produire concernant donc, la pensée ou la poésie d'Aimé Césaire sera destinée à mettre en évidence le fait que dans un certain type de langue. Dans une certaine prose, on peut être enfermé dans des logiques qui sont celles du colonisateur. Voilà pourquoi, finalement, il pourrait y avoir un désengagement par le biais d'un recours à la poésie qui permettrait une ouverture politique. Donc c'est beaucoup plus positif, en effet, de ce point de vue-là, ici. Quoi. Monsieur ? Oui, j'étais très intéressé par Loïc. Pour rebondir là, sur ta question, en fait, je pense que bon, c'est pas un reproche, mais en fait, je poserais pas m'alarmer à la poésie m'alarmer. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, trois jeunes malentendus, il se situe à un niveau, comme vous l'avez montré, qui est très très fondamental dans l'approche de la poésie. C'est-à-dire que, on le voit avec la lecture du mais, qui apparaît comme une tonalité, alors que Mallarmé a cessé de revendiquer son statut de syntaxie, c'est-à-dire de constructeur d'articulation. Donc, ça ne veut pas dire que c'est conceptuel ou philosophique, mais ça veut dire que peut-être, déjà, Sartre a décidé de ne pas avoir. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que Mallarmé se soit engagé politiquement, c'est clair. Mais en tout cas, dans l'expérience syntaxique de Mallarmé, on peut apercevoir la possibilité, enfin, elle n'interdit pas, je crois, et Sartre ne peut pas le savoir, d'une certaine façon. Ma question, c'est sur la différence entre poésie et prose. C'est une question que je me suis moi-même posée quand j'ai un peu travaillé sur ce texte-là et sur la littérature. Simplement, dans la distinction qui est très. Il y a une sorte de contradiction, alors je ne sais pas si vous avez une idée là-dessus, entre l'idée à la fois que la prose donc, est transparente, c'est-à-dire qu'elle doit livrer au lecteur un monde qui, justement, soit ouvert à un engagement, à une position politique, à un point de vue éthique, etc. Et en même temps que, même sous cette forme prosaïque, la littérature doit être convocation de la liberté, c'est-à-dire de l'interprétation. Il y a une sorte de contradiction entre la transparence et l'interprétation. Si c'est transparent, quelle est la place de l'interprétation? Et est-ce que dans la... Voilà, je ne sais pas si je suis très clair. J'ai l'impression que la Sartre demande deux choses contradictoires à la littérature. C'est-à-dire donner le monde, et en même temps, convoquer une liberté. Mais si on donne le monde sous une réalité représentative transparente et lucide, on n'a pas besoin d'être libre en quelque sorte. Enfin. Il y a une co-détermination du monde par donc l'auteur et dont la liberté ne s'achève vraiment dans l'acte de la lecture. Enfin, là, on est vraiment dans le cadre d'une relation intersubjective. Et cette transparence donc, ne peut pas résulter de l'objet livre. Enfin, elle suppose les deux actes mis en mouvement. Le lecteur, l'auteur s'adresse à la liberté du lecteur, mais en contrepartie, bien évidemment, la constitution du monde n'apparaît que si le lecteur lui-même est supposé être libre. Enfin, par conséquent, ce n'est pas une pleine transparence, je crois pas. Mais je me demande si justement il n'y a pas moyen de réintégrer l'opacité que Sartre assigne de manière restrictive à la poésie, enfin, de relativiser la séparation, quoi, en disant que la prose, si elle devient littérature, enfin, si elle est prose littéraire, donc effectivement qu'elle est comme ça engagement intersubjectif, elle a forcément besoin, alors Sartre ne peut pas le savoir, mais, de toute façon, des ressources. De l'opacité poétique. Mmh. quand il dit que le style est un supplément. Oui, ça c'est tout à fait étonnant. Ça ne peut pas être ça. Enfin, il y a quelque chose de ce côté-là. Mais le style, en effet, enfin, il y a ce passage est tout à fait étonnant, tout à fait étrange, où on a le sentiment que c'est quand même une conception utilitaire du langage. Ça, c'est vraiment c'est le corps verbal. C'est bon, mais à certains égards, j'aurais le sentiment que s'il y a une présence du corps, d'ailleurs, chez Sartre, ça n'est jamais que un corps verbal. Enfin, c'est le reproche que fait Ibonefoy très fortement en disant finalement, c'est le philosophe des mots. Mais après tout, l'extrait, la fin des mots que vous avez pu citer ce matin est révélatrice, enfin, puisque il en arrive à dire la chose suivante, tout ce que j'ai pu finalement raconter à certains égards, ça ne compte pas, il y a quelque chose comme, qui est de l'ordre de l'échec hein, de cette autobiographie, et avec cette retombée, enfin, je suis l'équivalent d'un autre, n'importe quel homme, enfin, c'est-à-dire je me retrouve dans Bonnefoy le dirait très fortement, je me retrouve dans l'idée que il y a une opération qui n'a pas été conduite, qui est la suivante, c'est comment dans la poésie il peut y avoir transitivité, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut dans le langage contrecarrer la tendance du langage à nous maintenir dans une sphère qui n'est pas la sphère du corps. Comment peut-on échapper finalement au fait que nécessairement le mot est un concept et nous maintient dans la généralité et nous fait perdre finalement le singulier, quoi. Et ça, j'ai l'impression que c'est un mouvement très comparable qu'on peut retrouver. Enfin, cette exigence, cette force-là, elle est à peu près comparable à celle que l'on retrouve. C'est pour ça que je mets vraiment les deux auteurs en parallèle, celle que l'on retrouve en 1950 chez Ricoeur. Dans le volontaire et la volontaire, c'est le volontaire et la volontaire, c'est la reprise finalement de la subjectivité, de la conscience, mais du point de vue de l'acte volontaire, c'est-à-dire du point de vue finalement de tout ce qui me met en mouvement, y compris le corps, quoi. Et quand je lis Sartre avec ce point de vue du poète, celui de Bonnefoy, et puis le point de vue qui est celui de Ricoeur, qui va dans le volontaire et la volontaire parler également de l'être et le néant, et de Sartre en parlant d'un existentialisme noir, il y a quelque chose finalement comme chez Sartre, une sorte de voilà, enfin disons les choses, c'est trop rapide évidemment, mais une forme d'intellectualisme qui nous court-circuite, enfin on n'est plus inscrit dans le monde, et quand on lit le Baudelaire, on a le sentiment comme ça d'une pensée qui tourne avec deux pôles, et ça tourne très très bien, mais Baudelaire n'est pas là, enfin le Baudelaire enfin dans l'épreuve de sa finitude n'est pas là. Par conséquent, et là, il a le sentiment, en effet, de l'échec, fortement, de la poésie, mais ça n'est pas... Enfin, je parle de Sartre. Sartre a le sentiment de l'échec de la poésie, mais ça n'est pas l'échec de Baudelaire. C'est son échec à lui, je crois. Enfin, c'était... C'est ça. Oui, ça, c'est tout à fait étonnant aussi. Les textes fonctionneraient, qui se choisifient, fonctionneraient comme le poète qui lui-même se choisifie. C'est ça. Une fois qu'on a dit ça, on ne peut plus lire, en fait, de toute façon. Merci beaucoup pour cet exposé. Hein. Je suis globalement d'accord avec vous. Je vais juste me faire un peu l'avocat du diable. De Sartre, exactement. Parce que, en fait, en un sens, j'ai l'impression que l'échec de la poésie, c'est un cas particulier de sa conception. En un certain, au sens où, de toute façon, à chaque acte, il correspond à un manqué. Donc, en un certain sens, tous mes actes échouent. Et. De ce point de vue-là, il assume en fait complètement cet échec. Et il l'assume même pour lui, alors que il n'est pas du tout dans ce rapport à l'écriture. Donc, en plus de ça, il y a des auteurs qui assument ça aussi, qui assument cet échec. Rilke, en fait, il y a des affirmations, enfin, on sait qu'il a dit que toute sa vie durant, il avait essayé d'exprimer l'indicible, et qu'il n'avait pas pu, logiquement. L'indicible étant par définition indicible. Mais donc du coup comment on pourrait y répondre à ça, avec ou sans rigueur, parce que hein, ça, je voulais juste aussi revenir là-dessus, parce que j'ai l'impression que, tel que je l'ai compris, d'après ce que vous avez dit, cette critique enfin, consiste à dire que l'anéantisation n'a pas d'envers, en un certain sens, alors que, précisément, l'envers de l'anéantisation, c'est le projet dans l'être aimant. Donc, comment faire pour quand même, on va dire, contrer les conséquences déceptives de Sartre par rapport à l'existence en général et par rapport à la poésie en général. Comment contrer la déception qu'éprouve Sartre? Voilà, c'est-à-dire que comme il assume de toute façon cet échec, si on lui dit juste c'est un échec, il va dire bah oui, c'est ce que j'avais dit, en un certain sens. Mm-hmm. Donc comment faire pour le faire sortir de ses gonds, quoi. Je ne sais pas très bien s'il faut le faire sortir de ses gonds, mais c'est quand il dit que le poète s'engage à échouer, qu'à certains égards, lorsqu'il échoue, il réussit. Enfin, bon, il y a une forme là de jeu, d'opposition. Qui paraît tout à fait insatisfaisante, alors pour plein de raisons, enfin, mais quand on se place en tout cas du point de vue du poète, c'est autre chose finalement que... je ne suis pas persuadé qu'on puisse dire ça globalement de l'acte poétique. Moi, il m'est apparu que... je me répète sans doute, Sartre met en place une sorte de bipolarité qui l'empêche de sortir d'une autre vue que cette vue simpliste entre la réussite et l'échec. Voilà, enfin. Bon, alors, est-ce que une autre lecture de la poésie, c'est ça qui une compréhension de la poésie à travers ce que peut en dire les poètes, parce qu'il y a aussi cela, enfin, qui me trouble, c'est que on voit mal dans les livres de Sartre, le statut de ces remarques. Par moments, ce sont des remarques qui portent sur le commentaire de l'œuvre, puis c'est en effet l'individu qui est examiné. Enfin, on peut avoir l'impression par moments qu'il y a une forme de réutilisation à son profit. Quelqu'un a dit ce matin, je crois, que dans Sartre, on ne trouve jamais que Sartre, quels que soient par ailleurs les auteurs que Sartre étudie. Il y a ce sentiment-là, il y a cette impression-là. Et ce qui est étrange, c'est que on pourrait demander à Sartre, enfin, je crois, on pourrait lui demander de mieux mettre en valeur la pensée de la poésie baudelairienne. Il ne le fait pas. Il n'y a pas un moment où on a le sentiment qu'il le produit, quoi. Enfin, qu'il produit cette poétique baudelairienne. Mais je ne suis pas sûr de répondre à votre question, vraiment. Mais... Partiellement. Bon. Une dernière question, monsieur. Pour revenir sur la question du style, vous disiez qu'on était à l'époque de guerre, on était attentif au style de son écriture, qui visait à non pas le faire disparaître, mais à le rendre transparent. Mm-hmm. Alors est-ce que ce ne serait pas un angle d'attaque pour comparer le rapport au mystère de la prose, où l'efficacité surgit à partir du moment où le style devient invisible? Mais il agit de manière sous-jacente. Alors que la poésie est toujours en échec, parce que le style est beaucoup trop apparent. Mmh, oui, c'est ça. Et du coup, quelle est la part que Sartre réserve à la tentative de Baudelaire à écrire des poèmes en prose? Non, mais... Il est encore dans l'échec parce qu'il a réussi à essayer de la faire de la prose, mais il n'arrive pas à faire disparaître le style pour qu'il soit plus efficace. En étant pas aussi apparent que le nom de la fille. Est-ce que, même dans son rapport à la prose, il est toujours poète et il est resté extérieur au monde? Oui, bon, alors, moi je me souviens pas avoir lu. De la part de Sartre quelque chose sur de manière spécifique sur les poèmes en prose, enfin, voilà. dans son Baudelaire il ne pose pas cette question là alors bon, c'est vrai que c'est un écrit très rapide et inachevé et dont je crois Sartre n'était pas tout à fait satisfait, mais il n'évoque pas à un moment ou à un autre les poèmes en prose, mais sur l'idée d'efficacité et le fait que l'efficacité soit associée au fait que le style n'apparaît pas dans un premier temps, oui, bien sûr, oui, c'est exactement ce que veut dire Sartre. Oui. Oui. Bien. Je crois, hélas, on pourra prolonger de toute façon avec l'intervention suivante. Et je crois qu'il est temps donc de passer à notre